7-9, activation, compréhension auditive, numération. Complétez les adresses que vous allez entendre. Écrivez en chiffres. 1. Mireille, 18 rue de Vaugirard, Paris 6e. 2. Sa sœur Cécile, 33 rue des Cerisiers à Colombes. 3. Annette Brunet, 21 rue des Marronniers, Paris 16e. 4. Guillaume Bello, 94 rue de Courcelles, Paris 8e. 5. Hubert de Pinot-Chambrun, 69 avenue Victor Hugo, Paris 16e. 6. Paulette Buisson, 82 boulevard Diderot, Paris 12e. 7. Anatole, 71 avenue de Versailles, à Boulogne.